Tu as welcome in Jesus. Amen. Vous êtes bienvenus au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, you are all welcome in Jesus. Ihr seid alle willkommen in Jesus' Namen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Lord really wants us to know him. Der Herr möchte wirklich, dass wir ihn kennen. L'Éternel veut qu'on puisse le connaître. Knowing him is how he will know us. Ihn zu kennen, so kennen wir uns. Lui connaître, c'est comme si se connaître aussi soi-même. Amen. Amen. That's why I always tell people, if you want to know me, you have to know Jesus. Deswegen sage ich Leuten immer, dass wenn du mich kennenlernen willst, musst du Jesus Christus kennen. C'est pour cela que je dis aux gens, si vous voulez me connaître, vous devez d'abord connaître l'Éternel. If you don't know Jesus, you can never know me. Wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du mich niemals kennen können. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas capable aussi à me connaître. The Bible says that Christ and myself, we are one and not two. Die Bibel sagt, Christus und ich, wir sind eins und nicht zwei. La Bible dit que Jésus et moi, le Christ et moi, nous sommes une personne et pas deux personnes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Wednesday we want the message will continue, but here what we have today is still part of it. Amen. And we might not even be able to get to where we stop on Wednesday. Amen. Because there are a lot of things that the Lord brought for us. Amen. Amen. He said I should come here first before I go back, I continue with the other side. He said, here we help you to get it more. Amen. Der hat gesagt, dass wir hier mit diesem Thema jetzt weitermachen sollen, damit wir das Thema von Mittwoch besser verstehen. L'Éternel m'a dit que pour être capable à comprendre le thème de mercredi, c'est mieux que je puisse commencer avec le thème que je veux faire maintenant là pour que ça va vous aider à bien comprendre encore les choses. The message is still how to live and walk in faith. Die Botschaft ist immer noch, wie wir im Glauben wandeln und leben. Notre message c'est toujours comment vivre dans la foi et comment y être. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And when and how should never bother us in Christ's world. Das wann und wie sollte uns niemals Sorgen machen im Königreich von Jesus Christus. Le quand et le comment, ça ne doit pas nous soucier dans le royaume des cieux. When will you have the victory? And how are you going to have it? Should never be anything that you will go to. Wann wir den Erfolg haben werden und wie der Erfolg aussehen wird, das sollte nicht unsere Sache sein im Königreich von Christus. Quand tu vas avoir le succès et comment tu vas le recevoir, ça ne va pas être une chose qui doit déranger un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Knowing who we are and what we have is very important. Zu wissen, wer wir sind und was wir haben, das ist sehr wichtig für uns. De savoir qui tu es et de le comprendre, c'est vraiment très important pour nous les enfants de Dieu. Amen. Amen. If you know who you are and what you have, you will never fall into panic anytime any problem comes. Wenn du weißt, was du hast und wer du bist, dann wirst du auch nicht in Panik verfallen, wenn Probleme kommen. Parce que si tu sais qui tu es et que tu sais qu'est-ce que tu as, quand tu auras des problèmes, tu ne seras pas paniqué. Because problems are going to come. Denn Probleme werden kommen, weil du hier auf Erden bist. Parce que tant que tu es ici sur terre, il y aura des problèmes qui vont venir. In John 6, Jesus promised us, he told us that there will be problems. In Johannes 16. Go to John 16. In Johannes 16. John 16. Sagt uns der Herr, verspricht uns Herr, dass es Probleme geben wird, weil wir hier auf der Erde sind. Aber dans Jean 16, l'Éternel nous promet qu'on aura des tribulations. Jean 16, on peut lire ensemble, mais... Verse 13. Johannes 16. 32 and 33. 32 und 33. Jean 16, 32 à 33. Praise the Lord. Hallelujah. We will first of all read 33. 33. 32. On va d'abord lire 33. 33. Jesus said here, he said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Without Christ, there is no peace. Ohne Christus gibt es keinen Frieden. Il nous dit ici que sans Jésus-Christ, on n'a même pas une, on a pas de la paix. If you say you have peace without Christ, it's fake peace. Wenn du sagst, dass du Frieden hast ohne Christus, dann ist es ein falscher Frieden. Si tu dis que tu as la paix sans Jésus-Christ, c'est une paix qui est falsifiée. In the world, you shall have tribulation. Say you are going to have problems. Tu sais, tu vas problème haben. Dans le monde, tu auras des tribulations. Praise the Lord. It did not say once you are a child of God that you are not going to have problems. Problems are going to come. Da steht nicht, sobald du ein Kind Gottes bist, wirst du keine Probleme haben. Probleme werden auf dich zukommen. Ici, il n'a pas dit que si tu es un enfant de Dieu, tu n'auras pas des problèmes. Il a dit qu'il nous a promis ici qu'on aura des problèmes. Everywhere is full of problems today. Überall auf dieser Welt ist, herrschen Probleme. Il nous a assuré que nous, on aura des tribulations parce que tout dans tout le monde, il y a des problèmes. He said, but be of good cheer, I have overcome the world. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, c'est ce qu'il a dit. You know, in verse 32, Jesus was going to have problems. In Vers 33, sollte Jesus Christus Probleme bekommen. Au verset 32, Jésus Christ devrait avoir des problèmes. He said, behold, the hour cometh, yea, it's now come, that you shall be scattered. Amen. Every man to his own. And shall leave me alone, and yet I am not alone, Amen. Because the Father is with me. Amen. And that should be for you. Amen. Und das sollte auch für uns gehen. Il dit que voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je suis pas seul car le Père est avec moi. Et ça, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Is somebody getting it? You know, you better be aware and know who you are, the person inside you. Wir sollten die Person, die in uns drin ist, kennen. On doit faire attention et connaître la personne qui est en nous. Amen. Because this very person, you carry him everywhere. Weil diese Person trägst du überall hin mit. Amen. Parce que la personne que tu es avec, tu l'as tué en train de lui partir partout en fait. If you are safe, wenn du errettet bist, si tu es né de nouveau, and this person is Christ Jesus, person is Christ Jesus. Et la personne c'est Jésus Christ lui-même. Amen. Amen. He follows you everywhere. Er folgt dir überall hin. Il te suit partout. Amen. Amen. You are never in places without him. Amen. Du bist niemals ohne ihn an Orten. Tu pars nulle part sans l'Éternel. Amen. Praise the Lord. If you are aware of that, even before fornication, you will hate it. You will hate fornication because you know that you want to. You want it's Christ in you. You get it. You will. That alone will help you to hate things or places you are not even supposed to be. Und wenn du das weißt, wirst du Unzucht hassen. Du wirst Ungehorsam hassen. Es hassen irgendwo zu sein, wo der Herr dich nicht haben will, wo der Herr nicht hingehört. Et si tu sais que tu as avec l'Éternel partout où tu pars, tu vas même commencer à détester même la fornication ou bien tu vas détester à être un endroit où il ne veut pas que tu puisses être. It's like somebody that is wearing a very beautiful white cloth or gown or you know white, you know it's clean. And you will not go into potopoto. You know what is potopoto? Amen. I'm going to be doing anything there. Because you are aware of what you are wearing. Mm. Before you sit down, you look everywhere. If you are aware that the person inside you is really Christ, before you do anything, you think twice. Amen. Und genauso ist es, als ob du ein weißes Kleid trägst oder einen weißen Anzug trägst. Du würdest dich dann nicht auf irgendeine x-beliebige, dreckige Parkbank setzen, wenn du sowas anhast. Du würdest dreimal drauf gucken, vielleicht sogar noch Zeitung drauflegen oder einfach lieber stehen bleiben, anstatt dich dann auf diese Parkbank zu setzen und dann zu riskieren, dass du dann einen Fleck auf der Hose hast, so auf dem Kleid. Par exemple, si vous êtes vêtu d'une belle robe blanche, par exemple, et que tu pars quelque part, tu vas pas t'asseoir dans une boue ou bien dans la boue ou bien tu vas pas t'asseoir aussi quelque part où tu vois que c'est sale. Tu vas pas le faire parce que tu sais que ce que tu as mis, c'est blanc, c'est propre, ça doit aussi rester propre. Et c'est comme ça aussi avec l'Éternel. si tu sais l'importance ou bien l'identité du Christ en toi, tu vas pas aussi vouloir te mettre t'asseoir dans des endroits où c'est pas sain pour lui ou bien c'est pas bien pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. God's children, they don't know who they are. Gottes Kinder wissen nicht, wer sie sind. Les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. We are like children that, you know, when your father died when you are very young, and all the inheritance, they cannot give it to you because you are so young. Maybe they give it to one uncle to keep for you. And the uncle will just send you out. Does not take care of you, just push you out. And you are now there, you are now grown up. You don't even know what your father left behind, your inheritance. And somebody is there using it. That is how God's children are. Mm-hmm. Kinder Gottes sind so wie kleine, junge Erben, die noch nicht alt genug sind, um das Erbe ihres verstorbenen Vaters entgegenzunehmen. Und deswegen werden sie aus der Familie rausgedrängt von irgendwelchen Verwandten, von irgendeinem Onkel, der dann den ganzen Reichtum an sich reißt. Und du wirst dann halt verstoßen und du lebst dann in Armut irgendwo. Und obwohl du eigentlich ein Erbe hast, aber weil du halt einfach zu jung bist, kannst du dieses Erbe nicht annehmen und für dich in Besitz nehmen. Nous, les enfants de Dieu, on vit comme si on a un père riche qui est mort, il nous a laissé nos héritages et nous sommes si jeunes pour posséder ces héritages et nos familles nous disent qu'ils vont prendre soin de ces héritages jusqu'à ce qu'on sera âgé. Et pendant ce temps, ils nous chassent de la maison et ils utilisent notre héritage. Et nous, on ne sait même pas tout ce qu'on a, ce que notre père nous a donné. Donc, on ne sait pas la grandeur de notre héritage. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, on est en train de vivre. Praise the Lord. Hallelujah. There's a difference between a servant and a son. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn. Il y a une différence entre un servant et un fils. Amen. Amen. We are no longer servant, but son. Keine Knechte mehr, aber Söhne. Nous sommes plus des servants, mais nous sommes des fils maintenant. No, Elisha, even Abraham was a servant, but you are his son. Abraham war ein Knecht, aber wir sind seine Söhne. Si on voit même Élisée ou bien Abraham, on voit qu'ils étaient des servants pour l'Éternel, mais nous sommes les fils aujourd'hui. Even Moses that did all the miracle, you know, the crossing or the dividing of the sea and the walk on the dry ground, all the, you know, a lot. You know, he was a servant and not even a son. Auch Abraham oder auch Mose, der sogar das Meer geteilt hat und auch so vieles erlebt hat mit Gott, er war immer noch ein Knecht und kein Sohn Gottes. Même Moïse, quand il a divisé la mer, il était un servant, mais il n'était pas un fils de Dieu. It means you are greater than them. Das heißt, wir sind größer als sie. Et malgré tout, nous sommes plus gros, nous sommes plus grands que eux. A son is always greater than a servant. Ein Sohn ist immer größer als ein Knecht. Parce qu'un fils est toujours plus grand et plus précieux qu'un servant. Amen. Amen. Let's go to Galatians 4. On va lire Galates 4, verset 1. Praise the Lord. Alleluia. He said, now I say, from verse 1, Eins. That the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be Lord of all. I hope you understand what we have just said. Mm-hmm. Though you are a son, if you do not know your inheritance, you are not different from a servant. Obwohl du ein Sohn bist, aber wenn du dein Erbe nicht kennst, bist du nicht anders als ein Knecht. Ici à Galates 4:1, il nous dit que même si tu es un fils, mais tu connais pas ton héritage, tu n'es pas différent qu'un serviteur. God's children today, we even live lower than the servant, lower than not Abraham and others. We live lower than them. Amen. Kinder Gottes heutzutage leben sogar noch niedriger als Knechte. Nous ici, les enfants de Dieu, ces jours ici, on est en train de vivre encore plus bas. On a une vie encore plus bas qu'un serviteur. We are praying to have what they have. Wir beten darum, was sie hatten. On est en train de prier à avoir ou bien recevoir ce que les serviteurs avaient. You can see how a servant always wants to be like others. Ein Knecht will immer so sein wie andere. Vous voyez que somebody gets un serviteur veut toujours être comme quelqu'un d'autre. Always compare himself to others. Er vergleicht sich immer mit anderen. Un serviteur se compare toujours somebody à autre gets personne. Something here. Amen. Verse 2 said that he's under tutors and governors until the time appointed of the father. Verse 3. Even so we, when we were children, we are in bondage under the elements of this world. Praise the Lord. Mm. You know, the system of this world was our master, control us. Mm. Das System dieser Welt war unser Meister, hat uns kontrolliert. Le système de ce monde était notre maître, ça nous a contrôlé. You know, if you are a servant, the system of this world will control you. That's why religion today, you see, this, it is the system of this world. But they cover it, the outside with Jesus. But the inside is the system of this world. Wenn du ein Knecht bist, wird dich das System dieser Welt kontrollieren. Und das sehen wir auch in der Religion, dass sie bedecken es mit Jesus, aber das Innere ist das System dieser Welt. Si tu es un serviteur, le système de ce monde va te contrôler. Tu vois, c'est comme la religion aujourd'hui. L'en dehors de la religion, c'est Jésus-Christ. L'intérieur, c'est le diable lui-même. If you look at religion today, also Christianity, let me go there, please. You know, they beg. They beg God to do something. Amen. As a son never begged the father. Amen. And a servant is a beggar. A servant always beg, but a son command. Amen. Because what belongs to the father belongs to the son. Yeah. Im Christentum betteln die Menschen, weil sie sich als Knechte sehen und deswegen auch als Bettler sehen. Aber im Königreich Gottes sind wir Söhne und deswegen befehlen wir und betteln nicht. Nous on doit comprendre que nous sommes pas, par exemple, comme les chrétiens, parce que par exemple les chrétiens, les religieux par exemple, eux sont en train de mendier, ils sont en train de supplier l'Éternel pour avoir quelque chose. Ça signifie que tu es un serviteur. Mais nous sommes les fils. Quand tu as un fils, le fils sait qu'est-ce qu'il a, sait qu'il y appartient, ça vient de son père. Alors il va commander ou bien il va ordonner les histoires parce qu'il sait que le père c'est le roi en fait. Donc lui tu es un prince. Alors tu as aussi la capacité ou bien tu es capable de tu as l'autorité de ton père en fait et tu vas pas commencer à mendier comme un serviteur. Ça n'a pas de sens. Do you know how they beg? Let me just quickly give you one example. How they beg? Easy better. God come and bless me. God please bless me. God please heal me. God please do it for me. They never believe he has done anything. Und wie betteln sie? Na, Beispiele sind dafür, dass sie sagen, Gott segne mich oder Gott heile mich oder Gott versorge für mich. Sie glauben nicht, dass all diese Dinge in Christus Jesus schon getan sind, sondern sie betteln immer um diese Dinge. Je veux vous dire comment les gens sont en train de supplier l'Éternel. C'est quand, par exemple, ils disent, Père, aide-moi, bénis-moi, fais ceci, fais cela. Ça signifie que tu n'es pas un fils, ça signifie que tu ne sais pas qui tu es, parce que sinon tu ne vas pas supplier, tu ne vas pas mendier. You can see the life of a son and a servant. A servant always beg. But a son command. A son, you know, because what belongs to the father belongs to him. He go there and take. He go there and even give. He go there and see, you know, he never, anything he wants. For him, you know, the father, you know, if you want to take the clothes that, if you want, go to your wardrobe. You know what wardrobe is? Garderobe. Or what do you... Dutch. Sorry. Yeah, Dutch, like, the name is very funny, Garderobe. Praise the Lord. You know, they go there. You know, before, if you want to take the clothes that belong to you, you don't beg the clothes. If you just go, you don't go there, take it. Wenn du beispielsweise in deinen Kleiderschrank gehst und dir etwas aussuchst zum Anziehen, dann bettelst du die Kleidung nicht an, oder du bettelst dich um die Kleidung, sondern du nimmst dir einfach die Kleidung und ziehst sie an. Et vous pouvez voir que le système de le royaume des cieux, les religions, par exemple, la religion aujourd'hui est toujours en train de supplier. Par exemple, quand tu veux te vêtir, tu pars dans ta garde-robe et tu vas seulement prendre, et c'est toi qui choisis. Tu ne vas pas commencer à mendier, à dire à tes vêtements. Mais qu'est-ce que je peux vous mettre? Pardon, j'aime bien, je t'aime bien, pantalon. Viens et que je veux te, je veux me vêtir de ton, de toi ou bien quelque chose comme ça. Tu le dis pas parce que c'est ça t'appartient, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui vas commander. C'est pas tes, tes vêtements à te commander. Praise the Lord. Amen. You know, there's nobody between you and those clothes. Es gibt niemanden zwischen dir und diesen Klamotten steht. Parce qu'il y a personne qui est entre toi et tes propres vêtements. Your father that's supposed to be in between said, what belongs to me belongs to you. Dein Vater, I don't know if you are getting something. But who you supposed to ask said, belong to two of us. Mm-hmm. It belong, what belongs? You are me, I am you. Amen. So anyone, so there's nothing between you and those clothes. Mm-hmm. As you know, and that's people beg the clothes. Und, I hope you understand it. Dein Vater, der dazwischen stehen würde, um zu sagen, nimm das nicht, oder du musst dich erstmal bitten, er sagt ganz klar, du brauchst mich nicht darum bitten, weil du bist ich und ich bin du und deswegen ist mein Besitz dein Besitz und mm-hmm. dein Besitz meiner. Und deswegen kannst du dort rangehen, wie du möchtest. Et notre père dit que nous et lui, nous sommes un. Nous sommes une personne. Ça signifie que tout ce qui lui appartient, ça nous appartient aussi. Donc ça signifie qu'on n'a même pas besoin de mendier ou de demander mille fois pour, oui, pour posséder quelque chose. Praise the Lord. Amen. He wants us to live like a son. Er möchte, dass wir wie Söhne leben. Il veut qu'on puisse vivre comme des fils. Are you getting it? Stop living like a beggar, like a servant. Wie ein Bettler oder wie ein Knecht zu leben. Arrête de vivre comme un mendiant. You know, a president's son or daughter, can you see their life? Are you, they are not afraid of anything. They are not, nothing, it's as if nothing even bothered them. Are you getting it? It's as if they are above everything. How much more the son or daughter of the living, of the only true God? That you are. Genauso wie wenn wir uns anschauen, Präsidenten, Kinder, wie sie, wie stolz sie sind und wie mutig sie sind und wie gelassen sie sind. They are not ashamed. They are not shy of anything. Weil sie einfach wissen, dass sie durch ihre Eltern jegliche Sicherheit und jeglichen Schutz schon haben. Und wie viel mehr sollten wir als Kinder Gottes auch diese Eigenschaft, diese Einstellung haben zu unserem Leben, zu allem, was unserem Leben angeht. Si par exemple on voit les enfants du président ou bien des chefs de l'État ici ces jours-ci, ils sont vraiment très sûrs d'eux, ils sont vraiment fiers, ils savent que n'importe qu'est-ce qu'on peut faire, on va faire ou bien ce qu'on veut, on va l'avoir parce qu'ils savent leur identité. Je suis fils de Obama par exemple, je suis fils de quelqu'un. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Jésus, de Dieu lui-même, le grand vrai bon Dieu qu'il y a dans tout, qui possède tout l'univers. Mais on est en train de se comporter comme des servants, des mendiants, on n'a même pas de, on est trop faible, on n'a pas d'assurance, en fait, ça n'a pas de sens. Verse 3 again, it says, even so, we, when we were children, we were in bondage under the element of this world. Verset 3 de Galates 4. Then verse 4. Galates 4, verse 4. Verset 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that they might receive the adoption of sons. Amen. Verse 6. And because you are sons, praise the Lord. Hallelujah. God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba Father. Amen. Amen. Through the spirit of the son that is in you, you are now able to say that is you are my father. Geist, God, the only true God is my father. Der in uns ist, sind wir jetzt in der Lage zu sagen, dass Christus unser Vater ist. Mm-hmm. C'est seulement à travers le Père, le vrai bon Dieu, qu'on est capable à dire que nous sommes des fils. Then in verse 7, who can help us to read it? Verse 7, still in for short. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Amen. Amen. And if a son, then an heir of God through Christ. Verse 8. Howbeit then, when you knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. But now, after that, you have known God, or rather, are known of God. How turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto you desire again to be in bondage? We are free, and that freedom should be forever. Wir sind frei und diese Freiheit sollte für immer gelten. Nous sommes libres et cette liberté, ça doit être valable pour toujours. That's why it should be Christ in everything. Deswegen sollte es in allem Christus sein. Et c'est pour cela en tout ce qu'on fait, il s'agit de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You know, here the writer of Galatians, Paul. Amen. I really love what he wrote here. Amen. Let me go further because. Der Schreiber von Galata, also Paulus, das, was er hier schreibt, praise the Lord. Ist sehr Amen. You know, if you look at verse 10 and 11, you can see what people are after today. He said, you observe days and months and time and year. They are so conscious. You know, I don't even have anybody's birthday in my mind. You know, that's why you are, you know, that's why you are finding it difficult to get rid of Satan. Because your mind is so full of their body. You know, those, praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, when you know, some people, you have them in your heart, you have their birthday, their every day, this and that. That any time is coming, you already know. Mm-hmm. And you know, those things are going to fight you. Mm-hmm. I don't know. Mm-hmm. I only have Christ. Even sometimes when they even ask me of my bed, I don't even know it. Because that is how plain. Because I don't, you know, praise the Lord. Mm-hmm. We should be very careful. Mm-hmm. Where, you know, what you did not allow to come into your mind will never tempt you. Satan cannot tempt you with what did not come into you. I hope you understand. Kann dich mit nichts versuchen, was nicht schon vorher in deinen Gedanken ist. Mm-hmm. Besonders wenn wir halt beispielsweise so noch fokussiert sind auf die Geburtstage der Menschen aus unserer Vergangenheit oder die Menschen, die halt Christus nicht haben. Und wir halt immer noch so krass auf ihre Geburtstage pochen und das als etwas Wichtiges, etwas Hohes ansehen, wird der Satan das nutzen, um uns halt wieder zu verurteilen, wird das nutzen, um uns wieder ins Fleisch zu bringen, ne? Um Sorgen zu bringen, Unglauben zu bringen, Zweifel zu bringen, all diese Sachen zu bringen. Und daran zeigt sich ja wieder, dass der Satan eigentlich dann nur das nutzt, was wir ihm sogar sozusagen zugespielt haben, nämlich dieses Interesse an Geburtstagen von diesen Menschen, die eigentlich tot sind, weil sie Christus nicht haben. Par exemple, on doit savoir que ce que tu n'as pas en tête, ça va même pas te, ça va pas te déranger, ça va pas te, le diable ne va pas l'utiliser pour t'embrouiller en fait. C'est pour te tenter. Tout comme par exemple, si tu as, beaucoup d'entre nous connaissent encore l'anniversaire des gens qui ont de notre passé qui ont refusé de suivre Jésus-Christ, donc tu sais leur date de naissance, leur date de mariage, leur fête de je sais pas quoi, donc on est toujours en ça malgré eux, ils ont envie de refuser Jésus-Christ, mais toi dans ta tête tu es toujours accroché à eux parce que tu vois toujours le lien là est toujours fort, et ça on doit le laisser partir en fait. Those days are better. Of those people, you better allow it to be Christ in your heart. Mm-hmm. Embrace it. Und diese Not, it will take you mm-hmm. further. It will be, you are going to go back. Mm-hmm. If Abraham's mind was full of the past, he will go back. Wären Abrahams Gedanken voll von der Vergangenheit gewesen, dann wäre er zurückgegangen. Ne? Mm-hmm. Und deswegen müssen wir wirklich ein Beispiel, jetzt nicht nur Geburt, es geht nicht um Geburt, es geht um verschiedene andere Dinge, die wir halt immer noch so hochachten, was die Welt angeht, die wir halt verlassen haben, also die Leute angeht, die wir verlassen haben, dass wir halt immer noch diese Geburtstage dieser Menschen haben, anstatt dass wir uns eigentlich nur um die das Einzige, was uns eigentlich nur interessieren sollte, ist, ob diese Person Christus hat oder nicht, und dafür beten wir, und das haben wir dem Herrn abgegeben. Aber nicht, dass wir die ganze Zeit an Geburtstage und andere Anlässe denken und zulassen, dass Satan uns dadurch die Freude nimmt. Par exemple, quand on est ici avec, on doit savoir que avec nos bien-aimés qui ont refusé de Jésus-Christ, on doit tout laisser entre les mains de l'Éternel et tout ce qui s'agit d'eux, ça doit s'agir de Jésus-Christ. On doit laisser continuellement le Saint-Esprit prendre charge d'eux et pas seulement être dans la captivité. Oui, normalement, la personne aura aujourd'hui 22 ans et la personne, c'était une année passée, c'était son baptême, ou bien, pardon, une fête de l'école, quelque chose comme ça. On doit vouloir que tous ces événements-là, qu'on puisse le laisser dans les mains de Dieu et vouloir que la personne puisse être née de nouveau au lieu toujours de se rappeler des histoires mondaines de la personne. Donc, on doit le changer et le vouloir mettre le Christ dedans. Praise the Lord. Hallelujah. Again, if you know who you are and what you have, you will never be in panic, in fear, doubting, in doubt, comparing yourself to others, regret. Amen. Wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du auch nicht in Angst und Zweifel sein. Du wirst dich auch nicht mit anderen vergleichen oder irgendwelche Dinge bereuen. Si tu sais vraiment réellement qui tu es, tu vas même pas te tu vas pas te comparer à autre personne si tu sais qui tu es. You know, there's no place in the Bible that Joseph regret ever telling the, you know, ever confessing the revelation. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo geschrieben steht, dass Josef im Nachhinein es bereut hat, dass er seinen Traum mit seiner Familie geteilt hat. Il y a aucun aucun verset biblique qui nous dit que Joseph a regretté la confession qu'il a fait envers ses parents, il n'a pas ses frères, parce que il a dit à ses frères c'est que l'Éternel lui avait dit donc le rêve qu'il avait, et c'est pour cela ils ont commencé à le détester, mais il n'a même pas regretté ça. If you know who you are, you will not desire what they have, what they desire. Wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du dir nicht das wünschen, was sie haben. Si tu sais ce que tu as, tu vas même pas vouloir ou bien désirer ce que eux ils ont. You will not be in haste. Du wirst nicht in Eile sein. Tu serais pas pressé. You know, Jesus was never in haste. Jesus war niemals in Eile. Jésus n'était jamais pressé. Amen. Amen. He was going to, you know, Lazarus. He was going to raise him from the dead, took him 4 days to get there. 4 days. You know, we will be so much in haste today so that they will not bury him before we get there. Yeah. Amen. You know, Jesus he should be your example. Amen. He was never in haste. Wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du auch nicht in Eile sein. Ne? Mhm. Beispielsweise wie Jesus, der als er gehört hat von seinem Freund Lazarus, dass er halt verstorben ist und dass er halt deswegen kommen soll, war er auch nicht in Eile. Er hat auch nicht die, keine Ahnung, die nächste Bahn genommen sozusagen, sondern er hat sich Zeit genommen. Ne? Er hat sich Zeit genommen und war erst nach 4 Tagen da, weil ihn hat der Tod nicht eingeschüchtert, ihn hat das Grab nicht eingeschüchtert, weil er die Auferstehung ist. Amen. Par exemple, on doit vouloir avoir Jésus-Christ comme notre exemple. On doit vouloir être comme lui. Lui, quand il devrait partir ressusciter, il voulait partir ressusciter Lazare, par exemple. Ça lui a pris 4 jours pour y arriver là-bas. Et ça l'importait, c'était pas un problème pour lui s'ils vont l'enterrer, ils ne vont pas l'enterrer. Il savait ce qu'il allait faire là-bas. Mais nous, aujourd'hui, si c'était nous, on allait dire on va prendre le train ou bien l'express pour venir le ressusciter. Donc, on sera vraiment trop pressé. On va vouloir dire aux gens de ne pas l'enterrer. Mais Jésus-Christ n'était pas comme ça. Il est parti, il a fait son truc. Donc, c'était. He is all solution. That is Christ. Est die allumfassende Lösung. Jésus Christ lui-même il est la solution en tout. If you are sick, he is the solution. If you are dead, he is the solution. Wenn du krank bist, so it doesn't matter, sick or dead. Wenn du tot bist, ist der Lösung. Somebody gets it. Egal, ob du tot oder krank oder beides bist. Donc Jésus Christ il est vraiment formidable parce que si tu es mort, c'est lui la solution. Quand tu es malade, c'est lui la solution. Tes finances, c'est lui ta tout. Donc, peu importe où est-ce que tu te trouves, c'est lui la solution à tout. Are you getting it? Amen. So it's not okay. I see, so that he will not die. You know, somebody that is, he said, I am the resurrection and I am the life. Amen. Amen. Er ist die allumfassende Lösung. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ob du krank bist, ob du tot bist, ist egal. Ich bin die Lösung und bleibe die Lösung. Donc il n'a pas dit que je suis la solution, mais seulement jusqu'à la mort. Il a dit, je suis même la résurrection, je suis même la vie. Donc ça signifie qu'il est la solution à tous les problèmes. Donc on doit vouloir le voir en tout. Really want us to know who we are and what we have. Dass wir wissen, wer wir sind und was wir haben. Il veut qu'on puisse connaître et comprendre qu'est-ce qu'on a et qui nous sommes. If you look at Elisha, he knew who he was. Wenn wir uns Elisha anschauen, er wusste, wer er ist und was er hat. Si on regarde bien Élisée, il savait qui il était. Il savait aussi qui est-ce qu'il avait. You can see the difference between Elisha and his servant. Du kannst den Unterschied sehen zwischen Elisha und dem Knecht. Tu peux voir la différence entre Élisée et son le serviteur. The servant was in panic, but Elisha was so cool. Beispielsweise auch bei Elijah. Sein Knecht war so in Panik, aber er selbst Knecht, er selbst Elias, Gott, Elijah war so war so gelassen. Tu peux voir que le serviteur était vraiment paniqué, il avait peur, hein, et Élisée lui-même, il était trop, il était chillé, il était cool en fait. Il avait pas he knew who he was. Yes. And he also know what he had. You know. God. Er wusste, wer er ist. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Those that be with us are more than those that be with them. I know what I have. Those that be with us. Are you getting it? Mm-hmm. Do you know who you are? Mm-hmm. Do you know what you have? Wissen wir, was wir haben und wer wir sind. Und genauso wie Elijah wusste, dass die bei uns sind, sind viel zähliger als die vor uns sind. Elijah était très relaxé et il savait qui il était, il savait qu'est-ce qu'il avait. Il disait que oui, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qu'on voit là. Mais il était vraiment très sûr de lui. Mais est-ce que toi aujourd'hui, tu sais qui tu es? Tu sais qui tu as? Qu'est-ce que tu as? You know, until you know who you are and what you have, you will never be able to walk with Christ. Und erst wenn du weißt, was du hast und wer du bist, dann wirst du in der Lage sein, mit Christus zu wandeln. Tu seras seulement capable de marcher ou bien de vivre en Jésus-Christ seulement si tu es capable de comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu as. You will never be able to become what he wants you to become. Du wirst sonst niemals das sein, was er möchte, was du bist. Sinon, tu ne seras jamais capable à être ce que lui veut que tu puisses être. If you look at all the people, you know, all the prophets, they all knew who they were. Mm-hmm. It's Abraham, you know. You know, he told Lot, you know, he allowed Lot to choose first. You know, I don't know if you understand it. And, because he knows who he was. Mm. He knows who he is and what he has. Mm-hmm. That it doesn't matter the city. Mm. It doesn't matter the country. It doesn't matter the side. You choose first. Mm. It doesn't matter where I go. It is who I am and what I have. Mm-hmm. I don't know if somebody is getting it. Die Propheten vom alten Bündnis, ne? Beispielsweise Abraham, sie wussten, wer sie sind. Auch in diesem Beispiel sehen wir, dass Abraham war in der Lage zu sagen, Lot, entscheide du als erstes, wohin du gehst, ob nach links oder nach rechts, weil ich weiß, egal wo ich hingehe, der Herr ist mein Versorger, er weiß, wer er ist. Und er weiß, dass die Versorgung nicht vom Ort abhängig ist, sondern von dem, wer er ist und wer für ihn verantwortlich ist. On voit que même les prophètes de l'ancien alliance, eux, ils savaient qu'ils étaient. C'est pour cela même Abraham était capable de dire à Lot, choisis où tu veux aller, quelle partie du terrain tu veux avoir. Parce que lui, il savait que n'importe où lui va partir, c'est l'Éternel qui l'a choisi, c'est l'Éternel qui va prendre soin de lui. You know, let me just say this though. Let us, you know, be like Abraham, at least. Amen. Da wenigstens so wie Abraham. We're supposed to be greater than them. But at least we didn't be like it. Und zwar auf wenigstens so wie er. Donc on doit normalement, vu que nous sommes des fils et pas des servants, on doit être même plus grand que Abraham. Mais si on n'est pas capable de le faire, soyez au moins comme lui. Amen. In Hebrew 11, he refused to allow his mind to go to the past. Mm. It's very, very important. The past. In Hebräer 11. The past is still speaking. hat Abraham sich geweigert, dass seine Gedanken zur Vergangenheit gehen. Die Vergangenheit ist sehr wichtig. Hebräer. On va lire Hébreux 11, on va voir que Abraham n'avait pas autorisé le passé à rester dans, toujours dans sa tête ou bien à méditer sur le passé parce qu'il savait que ça allait être dangereux pour lui. Hébreux 11. The past is like old vomit. You know, vomit that you vomit and you say you are not going and you are going back. Die Vergangenheit ist if you even remember that vomit, let's remember you will not like to go there. Die Vergangenheit ist wie wie Erbrochenes, ne, zu dem wir nicht mehr zurückkehren wollen, aber wir dennoch immer wieder zurückgehen, wenn wir zulassen, unsere Gedanken dahin wandern. Le passé, c'est comme une vomi qu'on a vomi pendant quelques temps, on a laissé et puis on repart encore là-bas dedans. C'est ça le passé. And truly, if they had been mindful 11:15 of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Praise the Lord. Satan cannot tempt you with anything until your mind first of all go there. Hebräer 11:15 und hätten sie dabei jenes im Sinne gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Der Satan kann dich halt nun mit dem versuchen, was schon vorher in deinen Gedanken ist. S'il avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc ça signifie que ça nous fait voir que le diable peut seulement te tenter avec quelque chose où tu y as déjà pensé avant. Praise the Lord. Mm. You know, salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. On doit comprendre que le salut est personnel. Amen. I thank the Lord that Abraham did not allow his mind to be full of the past. Abraham nicht zugelassen hat, dass seine Gedanken voll sind von der Vergangenheit. Aber was ist mit uns? C'est pour cela que je remercie l'Éternel que Abraham n'avait pas laissé ses pensées rester dans le passé. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu choisis? Tu penses toujours au passé? Amen. You know, salvation is personal. What about Paul? Errettung ist etwas Persönliches, beispielsweise bei Paulus. Er hat gesagt, er tut eine Sache, er streckt sich nach dem aus, was vor ihm liegt und schaut nicht mehr zurück. Le salut est quelque chose pas personnel, on va le lire ici. L'apôtre Paul a dit que moi je regarde mon avenir, et mon avenir c'est Jésus-Christ, je ne regarde plus en arrière. On va lire Philippe 3. Amen. Philippiens 3, verset 13. Philippe 3, verset 13. He said, brethren, I count not myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mm. Are you getting it? Amen. Those that do not do things that are behind, the old life. Die Dinge, die hinter uns liegen, das the system of the world. Das System dieser Welt. Philippiens 3, 13, on dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me reportant vers ce qui est en avant. Donc le passé, tu le laisses en arrière et tu ne regardes pas derrière. Praise the Lord. Alléluia. One thing I do. Il dit qu'une chose il fait, même s'il comprend pas. Not two things, but one thing. Nicht zwei, sondern eine Sache. Mais si, il ne comprend pas tout, il ne saisit pas tout, mais une chose qu'il fait, une chose, pas deux choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. One thing I do is that I allow my light to be on and to keep on shining. Ich zulasse, dass mein Licht an ist und es weiter leuchtet. Une chose que je fais, c'est que je autorise, je laisse ma lumière allumée et je le laisse, oui. The Bible says you allow your light to be on. Mm-hmm. And you allow it. To allow it to be shining. Wir müssen zulassen, dass unser Licht leuchtet und dass es let's go to Matthew 5. Das Licht erlicht. Matthieu 5 nous dit qu'on doit laisser ou autoriser notre lumière à allumer et le laisser briller en fait. From verse 14 to 16. Matthieu 5. Matthieu 5, 14 à 15. Matthew 5. Amen. He said, you are the light of the world. Says. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Ihr seid das Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde. It means without you, There's darkness. Das heißt, ohne uns, ohne dich herrscht Dunkelheit. Ça signifie que sans nous, il y a l'obscurité. Are you getting it? Mm-hmm. If you are not in that place of work, there's darkness. Wenn du nicht da auf der Arbeit bist, ist es Dunkelheit. Si tu n'es pas dans ce lieu de travail que tu fais là, là il y a l'obscurité qui c'est l'obscurité qui règne là. If you are not in that family is in darkness. Wenn du nicht in dieser Familie bist, herrscht diese Familie in Dunkelheit. Si on n'est pas dans cette famille, donc la famille est entrée dans cette famille, c'est l'obscurité qui va régner. He said, "You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid." Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give a light unto all that are in the house. Let your light so shine. Is somebody getting something here? He said, you allow salvation is personal. Du musst zulassen, dass dein Licht leuchtet. Deine Errettung ist persönliches. Ici nous fait voir que c'est nous-mêmes à autoriser notre lumière à être allumée parce que le salut est personnel. I thank God that, you know, when Lot's wife failed, Lot did not fail. Ich danke Gott, dass als Lots Frau zurückgeschaut hat, versagt hat, dass Lot nicht auch versagt hat, dass er nicht mit zurückgeschaut hat. Je remercie l'Éternel que quand la femme de Lot a regardé en arrière, elle est tombée et que Lot n'a pas fait la même chose, qu'il a continué à voir devant ou bien il a avancé sans regarder derrière. You know, Lot have to tell the wife choose. Lot musste sich von seiner Freundin verabschieden. Lot devrait, dire au revoir à sa femme. Naturally, it's like there's nothing like lovey-lovey. Natürlich gesehen würde man sagen, es war aber jetzt keine romantische, liebevolle Entscheidung. He followed me to hell. Er ist mir nicht in die Hölle gefolgt. Naturellement, on va dire, mais ça, c'est quel type d'homme. So, il va même pas... Il ne doit même pas suivre sa femme en enfer ou quoi. Amen. C'est pas romantique. You see somebody that is not choosing Christ and you join. And you call it love. You hate that person so much. Du entscheidest dich für eine Person und bist damit gegen Christus und nennst dann diese Entscheidung Liebe, aber das ist teuflisch. Du hasst diese Person eigentlich. Tu vois que quelqu'un est en train de prendre une mauvaise voie, une mauvaise route. Et toi, au lieu, malgré que tu sais la bonne route, toi tu le suis même, ça signifie que tu détestes la personne si tu le laisses partir là. Anytime you cannot tell the people the truth, what Christ called the truth, you have to know that you hate the people. Mm-hmm. You don't love them. If you love them, no matter how they are going to be offended, you will tell them the truth. Yeah. Wenn du Menschen nicht die Wahrheit sagen kannst von Christus, egal wie sie es auffassen, dann liebst du sie nicht wirklich. Si tu n'es pas capable à dire à une personne la vérité, c'est que l'Éternel appelle la vérité, la vérité de Jésus-Christ. Si tu n'es pas capable à dire ça à tes bien-aimés, ça signifie que tu détestes ton bien-aimé, ton prochain. Parce que si tu lui aimais, tu allais le dire, c'est que l'Éternel appelle vérité. The true love hides Christ not away from one another. La vraie liebe from the people. The true Christus love nicht von den Menschen. Parce que la vraie une vraie amour ça ne cache pas le Jésus-Christ ou bien la vérité de l'un vers l'autre. Donc, tu dois le dire, la vérité. Tu ne vas pas laisser que la personne reste inconscient ou bien sans Jésus-Christ. You know, if you are unable to tell them Christ, to tell them the truth, Christ is the truth. Are you getting it? If you are unable to do it, that will help you to know how you love yourself. That you are still your focus. Wenn du nicht in der Lage bist, ihnen das zu sagen, dann liebst du dich selbst. Du bist immer noch dein eigener Fokus und nicht Christus. Si tu n'es pas capable à dire la vérité à tes bien-aimés, de parler de Jésus-Christ, ça va te faire voir que tu n'aimes pas Jésus-Christ, mais tu aimes toi-même. Parce que toi-même, tu ne veux pas qu'on puisse te juger. Et le toi, c'est plus grand que Jésus-Christ. Verset 16, again, say, let your light so shine before me, 16. That they may see your good works. And glorify your Father which is in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. What will glorify your father? Was würde dein Vater verherrlichen? Qu'est-ce qui va glorifier ton père? Amen. And not what will glorify the flesh. Und nicht was das Fleisch verherrlicht. Et pas ce qui va glorifier la chair. Allow your light to be on and continue to shine. Don't look back. Lass zu, dass dein Licht anbleibt und weiterhin leuchtet. Schau nicht zurück. Autorise ta lumière à briller et ne regarde pas derrière. Don't look back like Lot. Schau nicht zu. Lot's wife. Wie Lot's Frau. Ne regarde pas derrière, en arrière, comme la femme de Lot. Amen. Amen. Jesus did not look back. Jesus hat nicht zurückgeschaut. Jésus Christ n'a pas regardé en arrière. In John 10, he said he gave us his life. Go to John 10, 18. Johannes 10, 18, da sagt er, er hat uns sein Leben gegeben. Jean 10, 18, il a dit qu'il nous a donné même sa vie. John 10, 18. Johannes 10, 18. Jean 10, 18. We go 17 and 18, we can read both. 17 and 18. 17 and 18. 17 and 18. He said, therefore doth my father love me, because I laid down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my father. For him is all about his father. Et on voit ici que Jésus-Christ, pour lui, s'agissait de son Père. Et tout comme nous aujourd'hui, tout doit s'agir de Jésus-Christ. In Luke 17, Luc 17, 32 et 33. Amen. Amen. He said, remember Lot's wife. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Lot's wife. That's why Old Testament is still good for us. Mm. Because he helped us to know what he hates. He helped us. He's still guiding us. But it is not for us to fulfill, to obey. Amen. To obey and it's helping you. To be focused on Christ, they are two different things. Deswegen ist das Alte Testament immer noch gut, dass es uns auch immer noch hilft, um noch besser und noch mehr das wertzuschätzen, was im Neuen Bündnis jetzt ist. Aber es heißt nicht, dass wir das Alte Testament erfüllen, sondern es wurde schon für uns erfüllt durch Jesus Christus. Aber es ist immer noch es lehrt uns immer noch vieles. Ici dit que souvenez-vous de la femme de Lot, ça signifie que on voit que l'Ancien Testament est toujours important parce que ça va nous aider à prendre à ces exemples, là va nous aider à comprendre aussi le présent. Praise the Lord. Hallelujah. Hate to be like the world. Hasse es, wie die Welt zu sein. Tu dois détester d'être comme le monde. Amen. Mm-hmm. Hate to have boyfriend. Hasse es, in einer Freundin-Beziehung zu sein, in der du Unzucht treibst. Und hasse diese Dinge. Amen. Tu dois détester d'avoir une copine, un copain et de coucher avec la personne. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas marié. Des histoires comme ça, c'est les histoires de ce monde, c'est normal pour le monde. Mais ça ne doit pas être la fornication pareil, ne doit pas être normal pour nous, les enfants de Dieu. Amen. They seek their life. Ils suchen ihr eigenes Leben. Parce qu'eux sont en train de chercher leur propre vie. Amen. So remember Lot's wife. Verse 33. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. Amen. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Amen. Praise the Lord. C'est lui, verset 33, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. On va maintenant lire Luc 9. Lucas 9. Verse 27. Lucas 9, 27. Luc 9, 27. Let me see. Sorry. Luc 9, 24, not 27. Lucas 9, 24. Luc 9, verset 24. Jesus is saying the same thing here. Jesus sagt hier das Gleiche. Ici, c'est même Jésus-Christ qui dit la même Amen. Chose. Amen. Amen. If we also read verse 23, is there too? Auch wenn wir 23 lesen, steht es da auch. Im Verse 23. Verse 23. Let's read from 23. And he said unto them, unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Salvation is daily. Ici, il nous dit que le, on doit prendre notre croix chaque jour, donc le salut c'est chaque jour. Daily. You choose to choose him daily. Du entscheidest dich täglich ihn zu ihn zu wählen. Toi, tu décides chaque jour de le choisir. You choose to allow him to help you to take decision daily. Du lässt you choose. Du entscheidest, dass er täglich für dich entscheidet. C'est toi qui choisis qu'il puisse choisir pour toi chaque jour. He did not say you choose to do what you want to do. You choose him so that he help you. He will choose for you what you have to do. Du entscheidest dich für ihn, damit er von da ab entscheidet, was du zu tun hast oder nicht. Il ne dit pas que c'est toi qui dois choisir ce que tu veux chaque jour. Il dit que toi, tu lui choisis, comme ça, lui, il va choisir pour toi chaque jour. Verse 24. It says, for whosoever will save his life shall lose it. We just read it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Lot, you know, Lot's wife was after his life, her life. Lot's Frau war hinter ihrem Leben und deswegen hat sie sich umgedreht zur Stadt. Ici, il a répété la même chose, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc, il a répété tout comme la femme de Lot, quand elle voulait sauver sa vie, c'est pour cela qu'elle a regardé en arrière. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Is somebody getting it? Amen. You don't want to know what. Amen. You know what? What? Like that of Joseph, they plan evil, it turns to good. Über Josef, sie haben Böses geplant, aber es wurde zum Guten gewendet durch den Herrn. Ici, il dit que mais c'est lui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est tout comme l'histoire de Joseph. Joseph a tout laissé, a tout perdu à cause de Jésus-Christ, mais à la fin, il a tout gagné. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the message we want to, it's not we want to, we'll start encore the message. De plus, amen for today. Amen. Amen. You know, this message is, please, you have to listen. Because it's a little bit, it needs concentration. Amen. Und jetzt fangen wir mit der eigentlichen Botschaft von heute an. Und sie ist, ihr müsst auf jeden Fall sehr, genau, danke, aufmerksam zuhören. Et c'est maintenant qu'on va même commencer avec le message. Vous devrez vraiment être concentré. Our victory as a living sacrifice. Unser That's Sieg how we said it to als me. Ein lebendiges Opfer. Notre victoire, notre vie est une vie. Notre vie en tant que sacrifice vivant. Vivant, ok. Notre vie en tant que sacrifice vivant. He said, "Our victory is a living sacrifice." Unser Sieg ist ein lebendiges Opfer. Notre victoire est une vie vivante. Un sacrifice vivant. He said, "Jesus is still a living sacrifice for us." Jesus ist immer noch ein lebendiges Opfer für uns. Et Jésus-Christ est toujours un sacrifice vivant pour nous. Okay. Is somebody getting it? The light in us shines around us to a particular point. The light in us, we have the Christ in you. He said, "I am the light of this world, and because I'm in you, you are the light of this world." And that light shine to, you know, once you want this light, this light cannot shine to Keller or to the other rooms. Mm-hmm. It can only shine around here. Mm-hmm. The light in us shine around the environment that we are. Das Licht in uns leuchtet bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du ein Licht anmachst, dann wird es nicht die ganze Stadt aufhellen, sondern es wird eventuell nur diesen einen Raum aufhellen. Und genauso ist es auch mit dem Licht, das in uns ist. Es leuchtet in unserer Umgebung. En fait, on doit savoir que lui, il est la lumière qui est en nous, vu qu'il vit en nous. C'est pour cela qu'on se décide de lui vers Jésus. On se décide pour lui. La lumière est allumée, mais ça va être allumé seulement pour notre entourage et pas. C'est tout comme la lumière ici. Quand on allume ici, ça part jusqu'à ça part pas jusqu'à la cave. Ça reste dans cet entourage. Et c'est comme ça aussi avec nous. Notre lumière en nous est allumée aussi pour notre entourage. It's like when you are driving, for example. Genauso auch, those of you that drive. Wenn du fährst. Amen. You know what? Now, once you own the light, if you are driving from here, the light will not show you from here to Dusseldorf. Mm-hmm. Are you getting it? As you move on, it's showing you the way. That's how the light in you. Wenn du beispielsweise dich von hier auf den Weg nach Düsseldorf machst und dann im Dunkeln halt die Scheinwerfer anmachst, dann leuchten die Scheinwerfer nicht bis nach Düsseldorf den ganzen Weg durch, sondern das Licht folgt dir und Schritt für Schritt siehst du immer mehr vom Weg bis zum Ziel, aber es leuchtet nicht vom Startpunkt bis zum Ziel hindurch. Et c'est tout comme la lumière, comme par exemple, tu roules une voiture, par exemple, si tu veux partir d'ici jusqu'à Düsseldorf, quand tu vas mettre la lumière, tu vas allumer la lumière quand il fait noir. Tu ne vas pas voir que la lumière va s'allumer d'ici jusqu'à Düsseldorf. Non, c'est quand est-ce que tu vas, dans le mouvement, que tu vas voir qu'il est en train d'allumer peu à peu, te faire voir, d'éclairer peu à peu, d'éclairer le chemin là où tu es en train de partir, mais ça ne va pas te faire voir jusqu'à la fin. It is like having an animal tied to a tree. Und genauso ist auch das Beispiel, wenn man ein Tier an einen Baum sozusagen kettet. Tout comme un autre exemple, quand tu as un animal et que tu l'enchaînes dans un arbre. I know Mama will know what I'm saying. You know, those of us that grown up in Africa. You know, if Christmas is coming, they tie an animal to the tree. My father was always celebrating his own birthday, and we celebrate with him. And every year, he kill a goat, buy a goat, and put it before a week or 2 weeks before the celebration. We buy the goat meat, and then tie it to a tree so that the goat will not, the animal will not run away. Then some chicken, they tie the neck. They put it to tie it to the tree, that it will not be so tight, and they lose it. Then that of chicken, they don't tie the neck, they tie the leg to something, that, so that the chicken, if it is something small like chicken, they will not run away. So, you know, can you quickly explain? Okay. Beispielsweise an Weihnachten oder an Feierlichkeiten in Gera ist es üblich, dass man halt ein Tier schlachtet, ne? Und dieses Tier wird dann einige Wochen oder Monate manchmal sogar vorher gekauft und dann in deinem Vorhof kettest du dann halt dieses Tier an einen Baum und dieses Tier hat dann sozusagen um den Baum herum einen kleinen Bereich, in dem es sich halt frei bewegen kann, aber es ist immer noch angekettet. Und das Gleiche geht auch für Hühner, aber da kettet man beispielsweise die Beine an, weil der Hals zu schmal ist. Und je nach Tier wird das dann halt so gemacht, damit das Tier halt den Bereich nicht verlassen kann, also nicht weglaufen kann, nachdem du es halt gekauft hast. Je veux vous expliquer encore un autre exemple, peut-être maman le connaît aussi de l'Afrique, c'est pour cela que elle a dit maman. En fait, par exemple, quand vous avez, quand on a ici, en Afrique, chez nous, c'était comme ça que quand on a une fête, par exemple Noël, quelque chose comme ça, on a un animal qu'on va tuer pour manger, par exemple une chèvre, je sais pas, on va l'enchaîner à un arbre et on va lui laisser marcher. Donc ça sera pas trop fort en fait. Ça sera un peu libre pour qu'il puisse avoir la liberté de marcher, mais il sera toujours dans cet environnement-là, mais il est toujours encore attaché là aussi. Donc ça signifie que c'est il a sa liberté, mais il appartient encore à nous. Donc et c'est aussi comme ça qu'on a fait aussi avec des petits animaux, par exemple un poulet, quelque chose comme ça. Mais eux, dans les poulets, on les avait mis au pied. On les avait attachés ou enchaînés au pied pour qu'ils puissent pas, parce que le cou était trop petit en fait, pour qu'ils puissent pas mourir directement. Donc ils avaient la liberté, mais ils appartenaient à nous. Ils étaient seulement environ là. Praise the Lord. Hallelujah. You know, through the rope, you determine where the animal moved to. Und durch die Länge des Seils bestimmst du, wie groß der Bereich parce que nous par exemple c'est seulement pour qu'on puisse contrôler le mouvement de cet animal pour savoir qu'il a sa liberté, mais il nous appartient encore. It is always in that environment, the very place you want it to be. It's always there. Und es wird dann immer in diesem Bereich bleiben, weil es in diesem Bereich halt angekettet ist. Et il sera toujours dans cet environnement là. Il va pas partir quelque part. The Lord said, just like the lights that shine in us. Und der Herr sagt genauso wie das Licht, das in uns leuchtet. Tout comme la lumière qui est en train de briller en nous. He said, he help others who are good towards us. Also, it's not, you know, that light help them to see. Und es hilft those that are good, even though they are not God's children. Es hilft anderen, die gut zu uns sind, weil sie in unserer Nähe sind. Obwohl sie noch nicht mal Kinder Gottes sind, hat es dennoch einen Nutzen für those sie. Those that are good towards us. La notre lumière en nous est aussi bien pour les gens qui sont bien. Ils sont bien avec nous dans notre environnement. Ça va aussi les aider. Mais ceux qui sont bien avec nous. Genesis 39. 1. Mose 39. Genèse 39. Vous pouvez lire 1 to 4. Vous pouvez nous aider à lire 1 chapitre. Genèse 39, 1 to 4. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Praise the Lord. And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelite, which had brought him down thither. Verse 2. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. It was not because Joseph had a house, a car, that he was a prosperous man, but because the Lord was with him. Nicht weil Joseph ein Haus oder ein Auto, sondern weil der Herr bei ihm war. Ici on voit que l'Éternel était avec Joseph, pas parce qu'il avait beaucoup une voiture ou bien il était ceci cela, non, parce que l'Éternel était avec lui, malgré il était un esclave. And he was in the house of his master, the Egyptian, verse 3. And his master saw that the Lord was with him. Amen. Just like Nebuchadnezzar saw the three Hebrew boys in fire and saw that the Lord was with them. Genauso wie, is somebody getting it? König die drei übrigen Jungs im Feuer gesehen haben und dann halt auch noch den vierten gesehen haben, den Sohn Gottes gesehen haben, der bei ihnen war. Tout comme le roi de Nebuchadnezzar, quand il avec les trois garçons hébreux, quand il a mis les trois garçons dans la flamme, il a vu même un quatrième. Il était un peu surpris. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand, verse 4. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand, verse 5. And it came to pass, from the time that he had made him overseer in his house, please listen, and over all that he had, that the Lord God blessed the Egyptian's house. You can see the light is on. Ihr seht, das Licht ist an. Der Herr segnet Potiphar wegen Josef. Ici on voit que l'Éternel a béni Potiphar à cause de Joseph. On peut voir que la lumière de Joseph était allumée. Potiphar was good to Joseph. Potiphar war gut zu Josef. Potiphar était bien avec Joseph. And the Lord blessed Potiphar's house. Und der Herr hat the light is on. Et c'est pour cela l'Éternel a béni la maison, le foyer de Potiphar. And you know, Potiphar cannot see through it. Und, though he was not saved. He did not have covenant with God. Mm-hmm. Amen. But he was there for somebody that have covenant with God. Amen. Und Potiphar kann dadurch jetzt sehen, aber dennoch war er nicht errettet, weil er hatte kein Bündnis mit dem Herrn. Potiphar était était un peu libéré. Il avait aussi la faveur de l'Éternel, malgré lui, il n'avait pas une alliance avec l'Éternel. Mais vu qu'il était très bien avec Joseph, la personne qui avait une alliance avec l'Éternel, il était aussi à travers ça, il pouvait aussi être béni. Praise the Lord. Alléluia. Let me read it again, verse 5 again. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Is somebody getting something here? And he left the seas, and he left all that he had in Joseph's hand. And he knew not all he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. It's talking about the grace of the Lord. Es geht um die Gnade des Herrn. Ici, il s'agit de la grâce de l'Éternel. Praise the Lord. Yeah. Joseph's master was blessed because of Joseph. Joseph's Meister war gesegnet. Light in Joseph's life. Wegen dem Licht was shining in Joseph's Leben. Are you getting it? Le maître de Joseph était béni à cause de la lumière qui était allumée, qui est en train de briller dans Joseph lui-même. And you know the house of the master was able to see the light, to accept, you know, to also have the light. Is somebody getting it? Und das Haus des that Meisters, was shining in Joseph's life. Konnte dieses Licht dann auch empfangen, konnte davon auch Nutzen tragen. Et la maison, le foyer de Potiphar était aussi capable à en profiter de la lumière de Joseph. That make you know that. That bring to pass what the Lord said in Genesis 12. Go to Genesis 12. Und das erfüllt was there we just hier read. That Genesis 13, Genesis 39. 12. Bring to pass what the Lord said in Genesis 12. 12. Et ça, ça va accomplir ce que Jésus a dit, Dieu a dit à Genèse. On va lire Genèse 12, 3. Amen. Pour savoir de ce qu'on dit. And I will bless them that bless thee. Amen. Is somebody getting 1 Mose 12, vers 3. Ich will dich segnen. Parce que l'Éternel a dit, je bénirai ceux qui te béniront. And on the other side, I will curse him that cursed thee. Are you getting it? I will bless, you know, remember the pillar. The pillar in Exodus. Mm. The pillar. The one side giving light, the other side giving darkness. Mm. I don't know if somebody is getting it. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und es ist genauso wie diese Säule in der Wüste, als die Ägypter hinter den Israeliten her waren. Und der Herr diese Säule gebracht hat, die den Kindern Israels Licht gespendet hat in der Dunkelheit in der Wüste, weil da gab es keine Straßenlaternen, deswegen war alles stockduster zu der Zeit und deswegen hat der Herr ihnen Licht gespendet, aber auf der anderen Seite herrschte dann halt Dunkelheit für die Ägypter, damit sie eben nicht den Weg sehen. En fait, on va voir que ici il dit que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. C'est comme l'histoire avec le pilier, avec ce que l'Éternel avait envoyé au désert, pour les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Mais pour les Égyptiens, il y avait l'obscurité. Donc c'est le pilier, le même pilier pour, qui brillait seulement pour les siens et qui maudissait ceux qui ne sont pas pour lui, en fait. Before we go to Exodus 14, you know, here he's telling us that... Before we go to 2 Mose 14 gehen... You know, Genesis 12 here is telling us that, you know, it's talking to us, talking about the light that is inside you. God is not sitting down saying, I bless you because you bless my son. I don't know if you are somebody. He's no longer doing anything. He's not walking. The Bible says he's resting. Amen. He's not the one saying, I choose you, I bless you because you bless my son. I curse you because you curse me. The light that is shining in you is doing the job. It's your job. Der Herr ruht. Es ist nicht er, der von Thron aus dann diese Person einfach mit einem Blitz segnet oder mit einem Blitz zerstört, keine Ahnung, sondern es ist das Licht, was in uns ist, was das Werk schon vollrichtet und automatisch schon dann halt andere Leute durchleuchtet, wenn sie uns Gutes tun. Ey, En fait, c'est pas que quand on est quelqu'un nous maudit ou bien nous bénit, que l'Éternel dit, ah, celui-là va maudire, est en train de maudire ma fille, je veux le tuer. Non, c'est la lumière en toi qui le fait déjà automatiquement. L'Éternel n'est pas actif, c'est la lumière en toi. Et si toi, tu allumes ta lumière, ça va automatiquement bénir ceux qui te bénissent et automatiquement aussi maudire ceux qui sont en train de te maudire. Donc, cette lumière-là a déjà son effet. Oui. Amen. You know, in Matthew 18, Jesus talks about these little ones. Amen. He said these little ones, they are special because of the light in them. Matthew 18. Then it can, you know, that light can be for people and it can be against people. Und auch Matthäus 18 sagt auch Jesus, dass diese Kleinen, die der Herr ihm gegeben hat, dass sie besonders sind wegen dem Licht, das in ihnen ist, wegen er selbst, der in ihnen ist. Und dieses Licht kann für andere sein, es kann aber auch gegen andere sein. En fait, l'Éternel le dit ça parce que il sait que lui-même, il est la lumière qui est en train de briller en toi. Et si quelqu'un est derrière, contre toi, c'est la lumière qui est lui-même qui va déjà aussi faire ce travail. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut même pas oser d'offenser un de mes petits. And again, I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. The same light. Are you getting it? The light that is in you. It's blessing, and it's, you know, it's for, and it's against. It's against evil coming to you. Are you getting it? He fight for you. It's a vengeance, it's my fight. He fight for you. Amen. Es ist für das Gute und gegen das Böse und es übt die Rache aus. Mm. Donc la lumière en nous, c'est pour le bien et contre le mal. Ça signifie que c'est la lumière en nous qui est déjà en train de se venger. C'est pas même nous-mêmes qui le font ou bien l'Éternel qui le fait. Parce que Jésus-Christ, il a déjà tout accompli. Il est la lumière qui est en train de demeurer en nous. Et c'est pour cela, c'est cette lumière qui fait ce travail. Who is that light? Christ Jesus. Amen. Und wer ist dieses Licht? Es ist Christus Jesus allein. Amen. Et qui est cette lumière? C'est Jésus Christ lui-même. Amen. Amen. Let us go to Exodus 14. Let's go there. Exodus 14. On va lire Exode 14. Praise the Lord. Amen. Exodus 14, verse 19 and 20. 2 Mose 14, 19 und 20. Exode 14, 19 à 20. And the angel of the Lord, of God, which went before the camp of Israel, removed and went before, behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. Are you getting it? You move as you move. Sie bewegt sich so wie bewegt sich so wie du dich bewegst. Das Licht bewegt sich wie du dich bewegst. Wenn du weg bist, ist dieses Licht mit weg. Donc ici verset 19 à 20, on voit ici que la lumière est en train de bouger comme toi tu bouges. Ça signifie que si toi tu n'es pas dans un endroit, tu pars d'un endroit, tu emportes la lumière avec toi. And it came to pass, verse 20, please. And it came between, and it came between the camp of the Egyptian and the camp of Israel. And it was a cloud and darkness to them. But it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. One side is light and the other side is darkness. Die andere Seite ist, die eine Seite ist Licht und die andere Seite ist Dunkelheit. Those that are against you. Für die, die gegen uns sind. On voit ici que cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle est éclairée la nuit et des deux camps. Donc tu vois que il y a de la lumière pour ceux qui sont pour toi. Et ceux qui sont contre toi, il y a de l'obscurité. Anywhere we are not without the light. Égal où nous sommes, nous sommes ohne das Licht. N'importe où est-ce que nous sommes, on n'est jamais sans la lumière. Praise the Lord. Anywhere we are not without the light. Si nous sommes sauvés, n'importe où nous sommes pas sans la lumière. John 8. Go to John 8. Look at what Jesus said. Jean 8. Amen. Amen. John 8. Verse 12. Jean 12. Jean 8, 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Somebody get in it. Mm. Then Matthew 5, verse 14 said, he now said it to us that we are the light of the world, because he lives inside und us. Und Matthäus 5 sagt ja, dass wir das Licht der Welt sind, weil er in uns lebt. Matthieu 5, il nous dit que nous sommes la lumière de ce monde parce que lui, il vit en nous. Anywhere we are not without our victory. The light is our victory. Egal wo wir sind nicht ohne das Licht, wir sind nicht ohne unseren Erfolg. N'importe où nous sommes, c'est la lumière qui est en nous qui est notre victoire parce que nous ne sommes jamais sans notre victoire quelque part. Amen. Mm-hmm. Amen. We are not without our victory. We carry our victory all about. We carry the light all about. Wir tragen dieses Licht in uns. Wir tragen diesen Sieg in uns und überall mit in uns. Mm. C'est nous qui nous sommes en train de porter parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Donc, on marche toujours avec cette lumière. Hate and destroy that spirit. That evil spirit of how, of when and how your victory is going to come out. Zerstöre diesen Geist, der uns immer wieder damit somebody getting something. Der immer wieder will, dass wir uns auf das Wie und Wann konzentrieren. On doit vouloir détruire cet esprit qui veut toujours nous faire demander comment on va faire quelque chose, ou bien quand est-ce que ça va s'arriver. On doit détruire cet esprit. Amen. Amen. That spirit of how is designed to make you, the flesh, walk. Make the flesh in you walk. Der Geist von wie möchte, dass du Fleisch wandelst. Parce que you allow it to be there. L'esprit de comment, de se demander comment est-ce qu'une chose va se passer, ça va vouloir, ça va nourrir ta chair en fait. Ça va nourrir la chair. Et ça va pas vouloir, ça va t'empêcher de rester en esprit. It makes you to see the problem. Er sorgt dafür, dass du das Problem siehst. Parce que cette question-là, cet esprit de comment ça va se faire, quand est-ce que ça va te faire voir les problèmes, te confronter toujours avec les problèmes. It makes you to see your age, to see how people are better than you. Dein Alter siehst, dass du siehst, wie andere. It makes you to see you are not white, you are not you are this, you are that. It may take your focus away from Christ Jesus. It doesn't matter your color. What matters is Christ. Es sorgt dafür, dass du deinen Fokus von Christus wegnimmst und auf das Fleisch legst, auf dein Geschlecht, auf deine Hautfarbe, auf dein Alter, auf dein. Oh, you go to school or you did not go to school. Auf dein Einkommen, auf deine Bildung, auf alles. Ça va vouloir que tu puisses voir ton âge, ta couleur de peau, tes degrés ou bien si tu as étudié, tu n'as pas d'études, des études. Donc, ça va te faire voir la chair. Amen. Hate that spirit. Et tu dois détester cet esprit. Amen. Mm-hmm. That we want you to see, to know that for you it's not how are you going to make it, and you know when is it going to, how, when is this going, when are you going to have the victory? The how, remember last week, the how, we're already there. Amen. And the how is the Lord. Amen. And when is also Him. Mm-hmm. The time is Him. He said in due time. You know we were in Galatians. Galatians 4. He said, in due season. Let's go there again. Go to Galatians 4. Das Wie ist der Herr, und deswegen sollen wir uns keine Sorgen machen, sondern er ist dafür verantwortlich. On doit comprendre que le comment c'est appartient à l'Éternel, et c'est lui qui va prendre soin du comment ou bien du temps. Ça ne nous appartient pas. Et, parce qu'on est déjà dans le comment. Et on va lire Galates 4. Praise the Lord. In verse 4. Verse 4. He said, but when the fullness of the time was come, he knows the time more than you. Er kennt die he knows your age more than you. Er kennt dein Alter. Mais lorsque le temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils. Donc, il connaît le temps. Il dit que quand le temps a été accompli. Praise the Lord. Don't bother him about the time. Mach, or the heart. Leave him. Frag let your focus just be, I love you, daddy. Mm. Frag ihn nicht ständig nach der Zeit, sondern lass du deinen Fokus immer darauf legen, dass du ihn liebst. Ne te préoccupe pas du temps, donc ne demande pas toujours à l'Éternel quand est-ce que tu vas le faire, quand est-ce que tu vas le faire. Toi, dans ta concentration doit être que papa, je t'aime. And how to say I love you, Father, is you see what he did for you. Amen. Und diese Liebe ist, indem du auf das schaust, was er für dich getan hat. Comment voir le comment, c'est quand est-ce que tu, quand tu vas commencer à te rappeler de ce qu'il a fait pour toi, là tu vas voir qu'il t'aime. But when the fullness of time was come, God sent forth. No one to remind him. No one was there to remind him, but he knows the time. Amen. Are you getting it? Praise the Lord. Als die Zeit erfüllt war, musste ihn keiner wecken, keiner musste ihn rufen, sondern er weiß, wann die Zeit erfüllt ist. Ici, on voit que quand le temps était accompli, il savait quand envoyer son fils, donc c'est lui qui est en charge du temps. Il sait quand est-ce que le temps est accompli, c'est pas toi à lui dire que s'il est temps de faire quelque chose. You know, he is a good father. That's Jesus Christ. Amen. Er ist ein guter Vater. Il est un très bon père. Amen. He's really a good father. Er ist wirklich ein guter Vater. Il est un très bon père. And that's why you don't need to fast and pray and beg him for to do anything. Deswegen musst du nicht fasten und beten, ihn betteln, Dinge zu tun. Et c'est pour cela que tu ne dois pas mendier ou bien le supplier à faire quelque chose. Amen. He already said what belongs to me belongs to you. Er hat schon gesagt, das was mir gehört, gehört dir. Parce qu'il a déjà dit que tout ce qui m'appartient t'appartient. The problem is we never believe that what belongs to him belongs to us. Das Problem ist, wir glauben niemals, dass das was ihm gehört schon uns gehört. Mais le problème est que nous, on ne croit jamais que ce qui nous appartient, appartient déjà. Are you getting it? Praise.